إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc au cas où que sur Paltok, parce qu'il peut assalamu alaykoum wa rahmatullah, au cas où qu'il y a des coupures. Il se peut arriver hein, qu'il peut y avoir des coupures sur Paltok. Il y a le direct qui est également sur la radio Sunna qui est sur MixLR. Alors là, je vous donne le lien là au cas où, Inch'Allah. Donc c'est. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. MixLR.com. La sunna. Donc, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Au cas où qu'il peut y avoir des coupures, parce que j'ai remarqué que sur Paltok, il arrivait qu'il y a des coupures qui se font sur pendant le cours. Donc, vous pourrez avoir accès directement donc en cliquant sur le lien que je viens de vous envoyer là. La radio La Sunna. D'accord. Est-ce que, alhamdoulilah, les frères disent que la diffusion est correcte, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui terminer le deuxième pilier de l'islam, des explications des Arba'in al-Nawawiyya. Et afin de commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine, le troisième pilier de l'islam sur la zakat. Donc, toujours dans ce hadith-là, le hadith de Jibril, alayhi salam, qui est le deuxième hadith des Arba'in al-Nawawiyya. Donc, nous avons vu dans le détail la définition de l'islam, de l'iman, la différence qu'il y a entre les deux termes selon lorsqu'ils sont mentionnés dans un même texte ou dans des textes différents. Nous avons donc... fait l'explication du premier pilier de l'islam, que sont les shahadatayn dans le détail, walillahi alhamd. Et donc nous avons commencé le deuxième pilier de l'islam. Parce qu'on fait tout d'abord dans l'explication de ce hadith-là, on fait tous les piliers dans le détail, inshallah, pilier de l'islam, puis nous verrons les piliers de la foi, inshallah, dans le détail, bi'idhnillah. Avant de passer aux autres hadiths, bi'idhnillah. Inch'Allah. Donc, on a déjà fait la description des ablutions, la description de la salette. On avait vu les piliers et les obligations dans la prière. On avait vu les conditions. On avait vu la différence qu'il y a entre une condition, une obligation d'un acte d'adoration et un pilier. Donc le pilier est partie intégrante de l'acte d'adoration, tandis que la condition est préalable à l'acte d'adoration. Et l'obligation de l'acte d'adoration dans la prière diffère du pilier. Parce que lorsqu'on oublie un pilier dans la prière et qu'on s'en rappelle, on se doit de recommencer le pilier. Par exemple, quelqu'un fait... la prière, il commence la prière et il récite directement une sourate, il oublie de réciter la Fatiha et il commence à aller en inclinaison, se relève de l'inclinaison, commence à aller en prosternation et il se rappelle qu'il n'a pas récité la Fatiha. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se relève directement et recommence cette raka, cette unité de prière, parce qu'une raka c'est une prosternation et une inclinaison et deux prosternations. une inclinaison et deux prosternations. Donc il recommence à réciter la Fatiha, puis la Surah, puis refait l'inclinaison, puis se relève de l'inclinaison, va en prosternation, fait les deux sujouds, d'accord. Une fois qu'il aura terminé la prière, et il fait le taslim, il rajoute donc deux prosternations, deux distractions après le taslim, puis il recommence le taslim, d'accord. Et une fois qu'il a fait le taslim, et qu'il fait les deux prosternations de distraction, d'accord, et qu'il fait les deux prosternations de distraction, alors que l'obligation, s'il oublie par exemple le premier teshahud, et fait partie des obligations de la salate, d'accord, le premier teshahud fait partie des obligations de la salate. Donc, s'il oublie le premier teshahud, il s'est relevé sans faire le premier teshahud, il s'en rappelle une fois qu'il est relevé, il continue sa salate, une fois qu'il a terminé, yani, pas une fois qu'il a fait le taslim, avant de faire le taslim, il termine le teshahud, puis il fait deux prosternations, deux distractions avant le taslim, d'accord. Et il ne refait pas le teshahud, d'accord. À chaque fois que l'on fait les prosternations de distraction, on ne refait pas le teshahud, d'accord. Donc il fait les deux prosternations de distraction, puis fait le taslim. On va terminer les quelques questions qui étaient posées au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, et dont notre frère Abdelrahman Kolo, qu'Allah le préserve et le récompense pour ses efforts dans la da'wa, et bien donc avait fait le récapitulatif dans cela en différentes questions. Et donc nous avons repris cela la semaine passée. Et aujourd'hui on va terminer, Inch'Allah. Donc celui qui prie derrière l'imam. Donc la question qui lui a été posée, c'est comment doit réagir une personne, la question qui a été posée au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc comment doit réagir une personne qui a prié avec l'imam depuis le début, si cet imam effectue les prosternations de la distraction. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a prié avec l'imam depuis le début. Et l'imam, il se met à faire les prosternations de la distraction. Donc comment il doit réagir? C'est la question. Réponse: le fidèle accomplira les prosternations de la distraction avec l'imam, car ce dernier a été placé afin d'être suivi. Question suivante: comment doit réagir un retardataire dans cette même situation? Donc, deux cas de figure se présentent à lui. Si l'imam se prosterne avant les salutations finales, le prieur retardataire le suit dans cela. Le retardataire, c'est qui le retardataire? Le retardataire, c'est celui qui a raté une ou plusieurs rak'as. D'accord? Mais celui qui est rentré et qui a trouvé les musulmans qui étaient à la première inclinaison, et donc il a réussi à attraper la première inclinaison, il n'est pas considéré comme un retardataire. Donc, deux cas de figure se présentent à lui, dans le cas où est-ce que il est retardataire et puis il y a l'imam qui fait des prosternations de distraction. Le premier cas, si l'imam se prosterne avant les salutations finales, le prieur retardataire le suit dans cela. Mais si l'imam se prosterne après les salutations finales, deux éventualités sont envisageables. Si l'imam s'est distrait après que le retardataire se soit joint à lui dans la prière, alors ce dernier doit dans un premier temps terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après ses salutations finales. En effet, il ne peut pas saluer avec l'imam avant d'avoir terminé sa prière. Et la deuxième éventualité, si l'imam s'est distrait avant que le retardataire ne soit joint à lui dans la prière, alors il n'est pas obligatoire à ce dernier d'effectuer les prosternations de la distraction. D'accord ? Donc, deux cas de figure. Le premier cas, si l'imam se prosterne avant les salutations finales. Le prieur retardataire le suit dans cela. Deuxième cas, si l'imam se prosterne après les salutations finales. Deux éventualités sont envisageables. Le premier cas, l'imam il est distrait après que le retardataire se soit joint à lui dans la prière. Alors celui qui s'est joint à l'imam à la prière doit dans un premier temps terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après ses salutations finales. Parce qu'il ne peut pas saluer avec l'imam avant d'avoir terminé sa prière. D'accord ? Tandis que si l'imam s'est distrait avant que le retardataire ne se soit joint à lui dans la prière, alors il n'est pas obligatoire à ce dernier d'effectuer les prosternations de la distraction. La question suivante, c'est comment doit réagir le fidèle qui prie derrière l'imam depuis le début, si ce fidèle se trompe et s'il s'agit d'un retardataire ? Si le fidèle a prié derrière, donc la réponse du cheikh, rahimallah, c'est si le fidèle a prié derrière l'imam depuis le début, alors il n'a rien à faire s'il commet une erreur dans sa prière. Cela concerne les obligations. Quant au pilier, nous avons vu qu'en cas d'omission, ça veut dire en cas d'oubli d'un pilier, il est obligatoire d'effectuer ce pilier manquant, y compris pour celui qui prie derrière l'imam depuis le début. S'il est retardataire, il doit réparer son erreur par deux prosternations de la distraction qui seront effectuées avant ou après les salutations finales selon les règles que l'on a vues précédemment. Vous pourrez voir cela dans le cours précédent que je vais essayer de mettre ça, Inch'Allah, ce soir sur le site, Inch'Allah. Donc, capitaine de la distraction, doivent-elles être effectuées avant les salutations finales? Et quand et dans quel cas doivent-elles être effectuées après? Donc là, la question, c'est quand est-ce que on fait les prosternations de la distraction avant les salutations finales et dans quel cas on les fait après? La réponse du cheikh, rahimahullah, les prosternations de la distraction doivent être accomplies avant les salutations finales dans deux cas de figure. On fait avant les salutations finales dans deux cas de figure. Lors d'une diminution ou lors d'un doute dans lequel aucune situation ne prévaut dans l'esprit de la personne. Ça veut dire qu'il y a deux cas. Il ne sait plus si est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'il n'a pas fait. Il a ce doute-là. Donc il y a ce doute-là, il n'arrive pas à avoir yani, une certitude pour une situation à une autre. Donc lors d'une diminution ou lors d'un doute dans lequel aucune situation ne prévaut dans l'esprit de la personne. Dans ces deux cas-là, eh bien, les prosternations de la distraction doivent être accomplies avant les salutations finales. Et ces prosternations doivent être accomplies après les salutations finales dans deux autres cas de figure. Lors de l'ajout, s'il y a quelque chose qui a été rajouté, d'accord ? Ou bien le doute dans lequel une situation prévaut sur l'autre dans l'esprit de la personne. Donc, lors d'un ajout, ou lorsque la personne a un doute dans lequel il a eu deux cas dans sa tête, il a douté entre deux situations, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait, mais il pense plus qu'il n'a pas fait telle chose, ou bien il pense plus qu'il a fait quelque chose. Mais étant donné qu'il a eu ce doute-là, d'accord, eh bien il fait les prosternations qui doivent être accomplies après les salutations finales, parce qu'il a eu ce doute-là, et qu'une situation dans laquelle il doutait, eh bien il y en a une qui prévalait sur l'autre. Ou bien lorsqu'il y a un ajout, eh bien il fait les salutations finales, Il fait, pardon, les prosternations de distraction après les salutations finales. Et enfin, la dernière question, et on aura terminé avec les questions-réponses autour des prosternations de distraction. Comment agir si deux distractions surviennent dans la prière? Comment agir si deux distractions surviennent dans la prière? Que l'une d'elles implique deux prosternations de la distraction avant les salutations finales et que l'autre entraîne deux prosternations après. Donc là, c'est le cas d'un musulman ou d'une musulmane qui se trouve dans une situation où, dans sa prière, elle s'est rendue compte qu'elle a eu deux distractions. Il y en a une qui implique qu'elle doit faire les prosternations de la distraction avant les salutations finales, et il y a une autre situation, eh bien, qui entraîne qu'il y a deux prosternations de distraction après. Donc, comment elle doit agir? Le Cheikh Mohammed, la réponse est que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, est d'avis qu'il suffit d'accomplir les deux prosternations de la distraction avant les salutations finales, car celles-ci prennent le dessus sur les prosternations après les salutations. Donc là, on a terminé donc ces questions-réponses autour des prosternations de la distraction. Donc ces questions qui ont été posées au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimallah, et qui ont été compilées et rédigées par notre frère Abdelrahman Kolo, qu'Allah le préserve et le récompense pour ses efforts dans la da'wah. Donc nous allons terminer, inshallah, ce deuxième pilier concernant la salat, deuxième pilier de l'islam. Donc ce deuxième pilier, nous avons commencé l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzen, hafidhahullah. Et nous allons la poursuivre avec l'explication de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah. Car il y a des bénéfices qui sont importants concernant ce deuxième pilier. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzen, hafidhahullah, donc avait dit concernant ce deuxième pilier. Il dit iqam us-salat, le fait d'établir la prière. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, de par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa tuqim as-salat, établit que soit établie la prière. Ay tu'add as-salawat al-khams al-mafruda fi al-yawm wal-layla. Ma ma'na tuqimuha? Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, eh bien, établir la prière de par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que soit établie la prière. C'est-à-dire que tu fais la prière, tu fais les cinq prières obligatoires de jour et de nuit, mais que signifie que tu l'établisses? لِأَنَّهُ مَا قَالَ وَأَنْ تُصَلَّى إِنَّمَا قَالَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ. Car il n'a pas dit, eh bien, que tu pries, mais il a dit que soit établie la prière. Il y a une différence entre que tu pries et que soit établie la prière. ما معنى تقيمها. Donc il dit donc quel est le sens donc de que soit établi. Il dit لأن المقصود إقامة الصلاة وليس المقصود سورة الصلاة فقط. Car ce qui est voulu par le fait d'établir la prière, eh bien, ce qui est voulu, c'est le fait de l'établir. Et ce n'est pas uniquement l'image de la prière qui est voulue. C'est-à-dire avec la station debout, ses inclinaisons, ses prosternations. D'accord? Ce n'est pas l'image uniquement qui est voulue dans établir la prière. D'accord? فتقيم الصلاة بأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Eh bien, c'est que tu établisses la prière, c'est-à-dire, eh bien, que tu la fasses comme celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme celle qui a été rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. De par sa parole sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama raytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. D'accord ? Priez comme vous m'avez vu prier. فالذي راه بعينه يقتدي به والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلى كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته هذا من إقامة الصلاة أن يصلى على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى الصلاة بها ولا يزيد من عنده أو ينقص منها. Et donc il dit, eh bien c'est cela. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc celui qui a vu de ses yeux le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, eh bien il le suit dans cela. Tandis que celui dont ces informations lui sont parvenues, et ces hadiths authentiques lui sont parvenus, eh bien alors, il se doit de se conformer à ce qui est dans les hadiths authentiques concernant la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il se met à prier comme cela est décrit dans les hadiths authentiques qui lui sont parvenus. Cela, eh bien, fait partie du fait d'établir la prière, que tu pries de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. D'accord ? Et qu'il ne rajoute rien de sa part, c'est-à-dire que le musulman ou la musulmane ne rajoute rien de sa part ou ne diminue rien de sa part. D'accord ? C'est pas comme au bled où ils disent c'est pas grave, même si tu sais pas prier, eh bien tu dis qoffa ou psallu ou asallu, je sais pas quoi ce qu'ils disent là. A'oudhou billah. Et on y pense que c'est pas grave, ta niya elle est bonne, même si tu pries n'importe comment, eh bien subhanallah. Alors, pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait descendre les livres et envoyé les prophètes et envoyé, subhanallah, si personne ne les suit, ça sert à quoi? Subhanallah, ils ont été envoyés pour qu'on les suive, pour qu'on obéisse à Allah Azza wa Jalla et à son envoyé. Donc, on ne doit rien rajouter de notre part, ni diminuer quoi que ce soit de notre part. D'accord? Ni diminuer quoi que ce soit de notre part. Donc on se doit de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme cela est mentionné dans les hadiths authentiques. وَكَذَلِكَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلَّيْهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ اللَّهُ لَهَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dans sourate An-Nisa, verset 103. Eh bien il dit, eh bien il fait également partie de l'établissement de la prière, eh bien, que tu pries à l'heure dans laquelle Allah Azza wa Jal l'a prescrite. D'accord ? L'a mentionné. Allah le Très-Haut a dit, la prière a été prescrite aux croyants, yani à des heures, yani précises. فلا يخرجها عن وقتها لأن المقصود أن يصلى كما أمره الله والله أمرك أن تصلى الصلاة في وقتها. Donc tu ne dois pas faire la prière en dehors de son heure, car le but c'est que tu pries comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Et Allah Azza wa Jal t'a ordonné que tu pries la prière en son heure. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu concernant la question quelle est donc l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la prière en son temps. La prière en son temps. D'accord ? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. أما من يتصرف ويصلى على هواه متى ما أراد ومتى ما قام من نومه أو فرغ من شغله فهذا صلاته غير صحيحة لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها وإنما صلى صلاة على حسب هواه. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah ici mentionne donc que quand on dit que celui eh bien qu'il prie selon ses passions. Il prie selon ses passions. D'accord ? Lorsque ça lui plaît, il prie lorsqu'il s'est levé de son sommeil, ou bien lorsqu'il a terminé son travail. Eh bien, celui-là, sa prière n'est pas correcte. Ils disent car il ne l'a pas prié, il n'a pas prié, لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَإِنَّمَا صَلَّ صَلَاةً عَلَى حَسَبِ هَوَاهُ. Car il n'a pas prié, pourquoi cette prière-là, lorsqu'il se lève de son sommeil ou lorsqu'il a terminé son travail, il se met à prier, il prie selon ses passions, et bien cette prière-là, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, il dit que cette prière-là, eh bien, n'est pas correcte. Cette prière-là n'est pas correcte. Il dit car il n'a pas fait la salate qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire. Mais il a fait une salate en fonction de ses passions. Il a fait une salate en fonction de ses passions. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah, il dit وَكَذَلِكَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ فِيهَا وَحُضُورِ الْقَلْبِ فَالَّذِي يُصَلِّي بِجِسْمِهِ وَلَكِنْ قَلْبَهُ غَائِبٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا وَحَضَرَ قَلْبُهُ فِيهَا. Il dit, fait également partie de l'établissement de la prière, l'humilité que l'on doit avoir dans la prière, ce khushu'a-là, que l'on doit avoir dans la prière. Et le fait que le cœur soit présent dans la prière. Car il dit le Cheikh Hafidhahullah, celui qui prie avec son corps, mais son cœur est absent, eh bien celui-là n'aura de sa salate que dans le temps dans lequel il aura été conscient qu'il est dans la salate. Et il n'aura que le temps dans lequel son cœur a été présent dans cette salette-là. Subhanallah. قال تعالى, Allah le Très-Haut a dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah le Très-Haut a dit, dans Surat al-Mu'minun, donc c'est le premier verset de Surat al-Mu'minun, bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles, qui ont cette humilité dans leur prière. Ceux qui ont cette humilité dans leur prière. Wa qala ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et Allah le Très-Haut a dit, la salate est lourde. D'accord ? La salate est lourde. Excepté pour les humbles. Donc la salate est une lourde obligation, d'accord ? Sauf pour les humbles, ceux qui sont humbles, ceux qui ont ce khushu' dans la salate. Donc c'est une lourde obligation, la salate est une lourde obligation, d'accord ? Sauf pour ceux qui ont ce khushu' dans la salate. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 45. Il dit donc, le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, il dit, Ya'ni, qu'est-ce que ça veut dire ça? La salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles, ceux qui ont ce khushu' durant la salate. Il dit, Ya'ni, as-salate thaqila illa 'ala al-khashi'in. La salate est lourde, excepté pour ceux qui ont ce khushu', cette humilité, cette crainte pieuse, durant la salate. Fa'innaha takoun alayhim muyassara. Parce que eux, ceux qui ont ce khushu' durant la salate, qui ont cette crainte pieuse durant la salate, eh bien, elle est facile. Elle est facile pour eux. Et ils prennent de la saveur à faire cette prière-là. D'accord? Ils goûtent à cette saveur-là dans la prière, à ressentir ce khushur-là. Eh bien, ce pour eux, elle est facile. Wal khushur, ruhu salat. Et le khushur, c'est quoi? C'est l'âme de la prière. Wal salat bila khushur, ka jasadin bila ruh. Car il dit, la prière sans humilité est comme un corps sans âme. Wa in kana qad salla fi adh-dhahir wa la yu'maru bil i'ada, lakin laysa lahu fiha thawab. C'est-à-dire que il dit là le cheikh Salah al-Fawzan hafidhullah, il dit même si celui qui prie en apparence il a prié, en apparence il a prié, et donc sachant qu'il a fait les piliers, les obligations, d'accord? Donc en apparence, il a prié. Et donc il n'est pas on ne l'ordonne pas de recommencer la salate. Il dit cependant, il n'a pas de récompense pour cette salate-là. Pour qui? Pour celui qui n'a pas ce khushur, cette humilité-là. D'accord? Celui qui n'est pas conscient dans sa salate. Il est distrait à penser à la dunya. D'accord? Il n'a de sa salate en récompense que le temps dans lequel il est conscient d'être dans la salette, où il essaie de ressentir cette humilité-là. D'accord? Donc une prière sans humilité est comme un corps sans âme. D'accord? Même si c'est celui qui prie en apparence, donc en apparence il a prié et qu'on ne lui ordonne pas de recommencer, mais il n'a dans cette prière-là aucune récompense. فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَجْرٌ أَبَدًا. Il se peut qu'il sorte de la prière, donc ça y est, il a terminé sa prière, il a prié en apparence. Donc il se peut qu'il a terminé la prière, mais il ne reçoit aucune récompense. Car il était totalement absent, son cœur n'était pas là dans la prière. D'accord? Donc, il prie en apparence et donc il ne reçoit aucune récompense. لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها. Parce qu'il n'a pas fait en sorte que son cœur soit présent du début de la prière jusqu'à la fin. C'est-à-dire, subhanallah, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière, il fait que son cœur est présent dans la salette. Qu'il s'efforce, qu'il se donne des efforts à être concentré dans sa salette, à ressentir cette humilité-là, pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal et que sa salette soit acceptée. Donc, il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhullah, donc il se peut qu'il y en a, donc qui font la prière, en apparence il l'a faite, il n'est pas ordonné donc qu'il la recommence, mais cependant il ne reçoit aucune récompense. Il se peut qu'il sorte de sa prière alors qu'il ne reçoit aucune récompense. Pourquoi? Car son cœur était absent. Il n'a pas fait que son cœur soit présent du début jusqu'à la fin de la prière. Et il se peut qu'il sorte de la prière avec une petite récompense, une légère récompense. Et il se peut qu'il sorte de la prière en recevant une énorme récompense. وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهَا بِأَجْرٍ كَامِلٍ. Et il se peut qu'il sorte de la prière avec une totale récompense. وَذَلِكَ حَسَبَ خُشُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ. Et cela donc dépend de son humilité et sa crainte pieuse durant la prière. Tout cela dépend de l'humilité que l'on a durant la prière et de la crainte pieuse que l'on a durant la prière. Et le fait que l'on fasse que notre cœur soit présent du début jusqu'à la fin. Ensuite, il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, wa min iqamati as-salat, salatuha fil masajid ma al-jama'a. Et fait partie de l'établissement de la prière le fait de prier à la mosquée avec le groupe. Fa inna al-jama'a واجب على الأعيان يعني على الأشخاص فكل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط والكبير. Donc, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, il dit, fait partie également de l'établissement de la prière, le fait de la faire à la mosquée avec le groupe. Car la prière en groupe est obligatoire, c'est une obligation qui est individuelle. C'est-à-dire que chaque musulman est obligé de prier en groupe à la mosquée. D'accord ? Donc là, hein, la prière est obligatoire pour les hommes en groupe. On est d'accord ? La meilleure des prières pour les femmes, c'est chez elles. Ensuite, si la femme veut aller à la mosquée, on ne l'en empêche pas. D'accord ? Si la femme veut aller à la mosquée, on ne l'en empêche pas, mais on lui rappelle que la meilleure des salettes pour la femme, c'est chez elle. Tandis que la meilleure des salettes, des prières pour l'homme, c'est en groupe à la mosquée. Donc, l'homme qui refuse ou qui a de la paresse à aller prier à la mosquée, il a été rapporté du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah que la femme avait le droit de demander le divorce contre son mari qui ne prie pas les prières obligatoires à la mosquée. Donc on voit, hein, subhanallah. Donc ça, c'est l'avis du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et on trouve cela donc dans ses fatawas. Donc, fait partie de l'établissement de la prière le fait de la faire en groupe à la mosquée. Fakul muslim, chaque musulman qui peut donc être présent à la mosquée et faire la prière en groupe, eh bien, il lui incombe, lui est obligatoire donc de faire la prière en groupe à la mosquée. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sami'a nida, celui qui entend l'appel à la prière. Falam yujib, man sami'a nida, falam yujib, fala salata lahu illa min udhrin. Celui donc qui entend l'appel à la prière mais ne répond pas, eh bien, il n'a aucune salette excepté s'il a une excuse légiférée. D'accord ? Excepté s'il a une excuse. Donc là, il y a une choubha que certains frères sont tombés dans celle-ci. En disant, eh bien, on est dans Bilad el-Kufr. Et dans Bilad el-Kufr, eh bien, il n'y a pas d'Eden. D'accord ? Et donc, ils considèrent que, eh bien oui, dans le Madhab Maliki, on a le droit de prier chez nous. Donc, il y en a qui se prétendent maliki, car c'est conforme à ce que eux souhaitent et ce que eux aiment. Donc ils sont maliki à temps partiel. Donc dans le madhhab de l'imam Malik, le fait de laisser pousser sa barbe est obligatoire, jusqu'à ce que des savants du madhhab al-maliki, l'imam Ibn Abd al-Barr, dans ce livre de Temhid, a écrit que le fait de se raser la barbe est haram. وَمَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُخَنَّثُونَ مِنَ الرِّجَالِ. Et seuls les efféminés parmi les hommes le pratiquent. Alors c'est le madhab al-maliki. Alors ceux qui se prétendent maliki et qui refusent d'appliquer la sunna, yani pourquoi ils n'appliquent pas donc le madhab maliki ? Qu'ils se doivent de se laisser pousser la barbe. Mais subhanallah, ils se rasent tous la barbe et ils laissent leurs vêtements traîner sous leurs chevilles, et après ils se disent maliki. Alors c'est maliki quand ils veulent. Donc, il faut différencier le fait que l'imam Malik, rahimahullah, yani, avait des difficultés à se lever, à se rendre à la prière, de celui qui n'a aucune difficulté, n'a aucun problème, et peut se rendre à la prière en groupe. Et subhanallah, et même, yani, plusieurs ont des voitures, et il suffit ça qu'en 5 minutes, ils se retrouvent à la mosquée. Donc, nous, on se base quoi ? sur le Coran et la Sunna. Et l'imam Malik et tous les imams disent clairement que mon madhhab, c'est le hadith authentique. Donc tu ne peux pas délaisser un hadith authentique, comme nous allons le voir, pour une parole d'un savant. D'accord ? C'est-à-dire que même si c'est un très grand savant, eh bien, en tant que musulman qui s'affilie à la sunna et qui s'accroche à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il ne devance pas la parole d'une personne, même si c'est le plus grand des savants, eh bien, il ne la devance pas à la parole d'Allah et à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je disais, la chouba ici, c'est que c'est ce hadith-là qu'il y en a qui n'ont pas compris. Quiconque entend l'appel à la prière et ne répond pas, eh bien, pas de salat pour lui, excepté s'il a une excuse. Le hadith est clair. Mais ici, dans le pays de Kofr, il n'y a pas d'appel à la prière. Ils interdisent ici l'appel à la prière. Cependant, toi, tu sais à quelle heure est... Tu as les calendriers. Tu sais à quelle heure est la prière en groupe. Eh bien, tu te dois de te rendre à la mosquée. Donc, tu ne peux pas dire « j'entends pas le nidé », donc... Tu l'entendras jamais ici dans Bilad el-Kof. Donc c'est pour ça que on doit tous s'encourager à faire la hijra pour aller notamment, hein, notamment pour faire la hijra pour aller vivre dans les pays musulmans. Et non pas rester ici, à moisir ici, et tu trouves comme excuse, ah ben j'entends pas l'appel à la prière, donc je reste chez moi. Subhanallah. La meilleure des prières à la maison, c'est pour les femmes. Donc sauf si l'homme veut ressembler à la femme, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui veut ressembler à la femme. Et a maudit la femme qui veut ressembler à l'homme. D'accord ? Qu'Allah les guide et nous guide. Amin. Donc, il dit ensuite le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, « وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُصَلِّ فِي مَكَانِهِ أَوْ فِي بَيْتِهِ لِمَاذَا شُرِعَ الْآذَانِ » Donc il dit, « Et si chacun priait, hein, dans son endroit, dans son lieu ou, dans, ou, de, ou chez lui, eh bien, alors pourquoi l'appel à la prière a été légiféré? لِمَاذَا شُرِعَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذَّنْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ يعني تعالوا صلوا مع الجماعة في بيوت الله عز وجل إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فليصلى في مكانه أما الذي حول المسجد ويسمع الآذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له إلا إذا صلى في بيته. Donc il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, pour terminer en fait l'explication de ce deuxième pilier de l'islam, il dit donc pourquoi donc l'appel à la prière a-t-il été légiféré? Si chacun priait dans son endroit ou chez lui, pourquoi l'appel à la prière a été légiféré? Pourquoi a-t-il été légiféré que celui qui fait l'adhan, l'appel à la prière, eh bien dise, eh bien venez prier. Hein? Que ceux qui, yani venez prier, il appelle les musulmans à venir prier. C'est-à-dire, venez prier avec le groupe, dans les maisons d'Allah, le Très-Haut. Excepté celui qui a une excuse. Ou celui qui n'a pas de groupe. Il est dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de jama'a. Il n'y a pas de groupe. Ou bien, il n'y a pas de mosquée. Alors, il prie dans son endroit. Mais celui pour lequel il a une mosquée aux alentours, et qu'il entend l'adhan, l'appel à la prière, et qu'il est en bonne santé, et qu'il est en sécurité, eh bien, et qu'il ne se rend pas à la prière en groupe à la mosquée, eh bien, il n'a pas de prière, c'est-à-dire même s'il l'a fait, elle n'est pas considérée, elle est invalide. Donc, pas de prière, d'accord, pour s'il prie dans s'il prie chez lui. Pas de prière s'il prie chez lui. Donc ça, c'était les explications de Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, concernant le deuxième pilier de l'islam. Donc je voulais rajouter, inshallah, pour terminer, les explications de Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc les explications de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, Hafidhahullah, concernant donc ce deuxième pilier de l'islam qui est la salat. Donc il dit le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, Hafidhahullah, Aham arkan l'islam al-khamsa ba'd al-shahadatayn al-salat. Le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi, c'est la prière. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون من الأربعين النووية. Donc il dit, le plus important des piliers de l'islam, des cinq piliers de l'islam après les deux attestations de foi, c'est la prière. Et le prophète, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit comme étant la base de l'islam, comme étant la base de l'islam. Comme dans le hadith dans lequel yani, il enjoint, sallallahu alayhi wa sallam, يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه qui est le 19e hadith des 40 nawawiyya, des 40 nawawiyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que c'est la dernière chose qui est perdue de la religion. Wa akhbara annaha akhir ma yufqad min ad-din wa awwal ma yuhasab alayhi al-'abd yawm al-qiyamah. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله وأن بها التمييز بين المسلم والكافر رواه مسلم. Donc il dit, donc la prière c'est la dernière chose qui est perdue de la religion, et que c'est la première chose pour laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection. Il a dit, eh bien, regardez donc dans les hadiths qui sont authentifiés par l'imam al-Albani, rahimahullah. Et que la prière, c'est elle qui différencie entre le musulman et le mécréant. Comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهِمِّيَّةِ شَأْنُ الصَّلَاةِ أَيْضًا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء. Et ce qui prouve que l'importance, notamment l'importance du statut de la prière, eh bien ce qui prouve cela, c'est également ce que Allah Azza wa Jal a ordonné les cinq prières au prophète, à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du voyage nocturne. D'accord ? Alors que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans les cieux. Comme cela a été rapporté donc dans les hadiths sur l'Isra, sur le voyage nocturne. Wa anna ahla Saqar, les gens de Saqar, c'est un bas niveau de l'enfer. C'est parmi les niveaux dans lesquels les croyants ne rentreront pas. Les musulmans donc ne vont pas à ces niveaux-là. Ceux dont Allah Azza wa Jal aura décidé de par sa justice qu'ils se feront châtier en enfer, eh bien, ils ne se feront pas châtier dans les bas niveaux de l'enfer avec les kuffars, avec les mécréants. Mais les bas niveaux de l'enfer, c'est réservé aux kuffars, aux munafiqin et aux mushrikin, aux mécréants, aux associateurs et aux hypocrites, ceux qui sont morts avec l'hypocrisie majeure. Donc, Saqar fait partie donc des niveaux les plus bas en enfer. Et c'est pour cela, donc il dit le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, Hafidhahullah, il dit وَأَنَّ أَهْلَ Saqar يجيبون عن أسباب دخولهم سقر بقولهم لم نكن من المصلين. Il dit, eh bien, les gens de Saqar répondront à la cause de leur entrée à Saqar, dans ce bas niveau-là de l'enfer, qui s'appelle Saqar. Ils répondront donc à la cause de leur entrée à Saqar, hein, eh bien, en disant, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, d'accord, de ce que ces gens-là de Saqar disent, « Lam nakum min al-musallin », nous n'étions pas de ceux qui prient, nous n'étions pas de ceux qui prient. Donc ça, c'est la cause d'entrée de ces gens-là à Saqar. Et la prière, eh bien, interdit le serviteur à commettre des péchés et des turpitudes, d'accord, et des choses détestables. Et c'est la dernière des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté, à répéter à sa communauté, eh bien, c'est la prière, c'est la dernière des choses. Fa'an Umm Salama, donc, selon Umm Salama, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul fi maradihi alladhi tuwaffiya fihi. Donc, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc Umm Salama, donc, rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait durant la, donc la période où il était malade, dans laquelle, donc à cause de cette maladie-là, hein, suite à cette maladie-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Eh bien, durant cette maladie-là, là, pendant cette période-là, eh bien, il disait, donc la maladie qu'il a, qui a mené donc, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, As-salat wa ma malakat aymanukum. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيدُ بِهَا لِسَانَهُ. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, la prière est ce dont vous avez possession. Donc, il restait à la répéter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, de cette maladie-là, suite à laquelle il va mourir, sallallahu alayhi wa sallam, il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, pendant cette maladie-là, il... Donc il disait, la prière est ce dont vous avez possession. Il restait à répéter cela. وعن أنس بن مالك قال كانت عمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. Eh bien, الوصية, bon, ce serait يعني comme le testament, hein. C'est pas vraiment le testament, c'est ce qu'il a conseillé, donc, ce qu'il conseillait à sa communauté, ce qu'il répétait à sa communauté, donc, avant de mourir. Donc, la généralité, donc, de ce qu'il enjoignait, donc, à sa communauté, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la mort, hein, le touchait, qu'il était, en train de commencer que son âme commençait à sortir, eh bien, il disait, hein, la prière est ce dont vous avez possession. C'est pour ça que le cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il dit, eh bien, c'est la dernière des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné, a mentionné à sa communauté, a conseillé à sa communauté. D'accord ? Yani, quand je dis conseiller à sa communauté, barakallahu fikum, c'est pas conseillé, yani, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu le fais pas. Non, c'est clair, on avait vu, hein. La salate, c'est ce qui différencie le musulman et le kafir. C'est ce qui différencie le musulman et le mécréant. Tu fais pas ta prière, t'es pas un musulman. Tu fais pas ta prière, tu ne pries pas. Tu ne fais pas tes 5 prières obligatoires, tu es un kafir. Tu ne fais pas tes 5 prières obligatoires, tu n'es pas un musulman. Cependant, lorsque je dis cela, ça c'est général, C'est-à-dire il faut prendre les gens individuellement. Tu peux pas par exemple faire un takfir comme ça sur une personne parce qu'elle ne prie pas. C'est peut-être une ignorante. C'est une personne ignorante. On a tous été des ignorants. Qu'Allah augmente notre savoir et nous guide. Amin. Donc ce qu'on doit de faire, eh bien, c'est de faire le rappel. C'est de faire le rappel donc à cela. Eh bien, leur rappeler tout d'abord le tawhid. Leur faire comprendre l'importance du tawhid, puis par la suite, on leur explique sur la salette, une fois que tout a été clarifié, mais qu'ils refusent de faire les cinq prières obligatoires, alors c'est un kefir. Et s'il meurt sur cela, eh bien, on ne prie pas sur lui. On ne le lave pas, on ne le met pas le linceul. Et s'il est marié et qu'il délaisse la prière, son contrat de mariage devient invalide. Yani, il faut qu'on... C'est pas quelque chose à prendre à la légère, barakallahu fikum. Celui qui se convertit à l'islam, et parce qu'il y a des cas comme ça, yani excepté ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a miséricorde. Il y en a, ils se convertissent à l'islam, ils veulent se marier avec une arabe, mais l'arabe dit, eh bien, ma famille veut que tu sois musulman, donc il va se convertir à l'islam. Puis, une fois qu'il s'est converti devant un imam qui est ignorant de la sunna, il fait le contrat de mariage, une fois qu'il est marié, il ne prie même pas. Donc, il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, qu'en délaissant la prière, une prière, en délaissant une seule prière, c'est-à-dire qu'il y a une prière, il ne la fait pas, et lui, il est tranquille au fond de lui, il ne sent pas aucune gêne d'avoir délaissé une seule prière, eh bien, il devient un kafir. Ça veut dire que son contrat de mariage est invalide, ça veut dire qu'il n'a plus le droit de vivre avec celle qui était sa femme. S'il veut vivre avec elle, il doit se repentir du kufr dans lequel il est tombé, il doit se repentir de cela, et il doit refaire les prières. D'accord ? C'est-à-dire, il doit se remettre à faire les prières, je veux dire. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, concernant les mouchriquines, pour qu'ils deviennent nos frères, la condition, c'est qu'ils se repentent du shirk, qu'ils se désavouent du shirk, et qu'ils se mettent à faire la prière et donnent la zakat. Dans surat al-Tawba, فَإِنْتَابُوا أَقَامُوا السَّلَاةُ وَأَتَوُوا الزَّكَاتُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, yani ils se repentent du shirk, se repentir du shirk, se repentir du kufr, sont désavoués, et qu'ils établissent la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Donc on doit comprendre que ce n'est pas une question qui est à prendre à la légère. C'est-à-dire qu'on en trouve, comme je disais la fois dernière, c'est qu'il y en a qui vont se retrouver choqués du fait qu'un tel ne jeûne pas le mois de Ramadan, mais il ne prouve aucun sentiment, ni aucun choc, ni rien du tout, que quelqu'un qui s'affilie à l'islam ne fait même pas une raka, délaisse la prière. Il croit, ben, on est arabe, mais attends, nous on n'est pas des juifs, hein, barakallahu fikum, on n'est pas des juifs. Les juifs, on n'est pas des juifs, wallillahi alhamd, qu'on est musulman, la seule religion acceptée par Allah Azza wa Jal. Les juifs, eux, c'est, yani, la mère elle doit être juive pour que l'enfant il devienne juif. Yani, nous, ça ne fonctionne pas par hérédité. Ça ne fonctionne pas par hérédité. C'est-à-dire que si les parents sont des musulmans, ça veut dire tous les deux font la prière. Et que il y a des enfants qui ne font pas la prière, refusent de prier, ce ne sont pas des musulmans. D'accord ? Ce ne sont pas des musulmans. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah les guide et nous guide. Donc c'est pour ça que, pourquoi je dis, il faut clarifier, hein, faut pas faire un takfir comme ça. C'est-à-dire, il faut clarifier, il y a des gens, ils savent même pas. Il y a des gens, ils ne savent même pas. Yani, dès qu'on dit, ils ne savent même pas, vous voyez, malgré qu'il y a, subhanallah, il y a des cours, il y a des livres qui sont écrits par les savants, il y a, subhanallah, les savants sont là, il suffit de les questionner. Malgré tout cela, malgré la facilité d'accéder aujourd'hui au savoir, il y a des gens qui ignorent cela. Ils ne considèrent pas que, ils pensent que c'est bon, tant que je suis gentil. Tant que je suis gentil, je fais pas de mal, je ne mens pas, je ne bois pas, je ne vole pas, je suis gentil avec les gens. Eh, subhanallah. Il y a des kuffars qui ont les mêmes attributs. Qu'est-ce qui te différencie d'eux si tu ne pries pas? Donc, c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait à sa communauté. Hein, il répétait, alors qu'il était en train de mourir, كَانَ آخِرْ كَلَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, comme dans le hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, كَانَ آخِرْ كَلَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, la prière et ceux dont vous avez possession. وَهِيَ أَحَدِيثُ صَحِيحَةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ, et tout cela ce sont des hadiths qui sont authentiques, donc qui ont été rapportés par Ibn Majah et autres. وأيضا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج بدأ بالصلاة وختمها بالصلاة. Il dit le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, Hafidhahullah, il dit, eh bien, également ce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a mentionné sur les, il a décrit les attributs des croyants dans les deux sourates, Al-Mu'minun et Al-Ma'arij, il a commencé avec la salette, wa khatamaha bis-salat, et il a terminé avec la salette. Il a commencé avec la prière et a terminé avec la prière pour décrire les croyants. Faqala fi surat al-mu'minun. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans surat al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, bienheureux sont les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles dans, qui ont cette humilité là dans leur prière. Wa qala fi akhiriha, et Allah Azza wa Jalla a dit à la fin donc de surat, vers la fin de surat al-mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ, ceux qui préservent leur prière. Ceux qui préservent leur prière. وَقَالَ فِي سُورَةِ الْمَعَارِجِ, et Allah Azza wa Jalla a dit dans surat al-Ma'arij, إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, excepté les prieurs, yani ceux qui font la salette, ceux qui sont assidus à leur salette. Ala salatihim da'imun. Da'im, ça veut dire qui la font continuellement. D'accord ? C'est-à-dire que ils ne la délaissent pas. Wa qala fi akhiriha, et il a dit dans, à la fin de sourate, vers la fin de sourate al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ, toujours pour décrire, vous voyez, les attributs des croyants. Ceux qui préservent leur prière. Ceux qui préservent leur prière. Tout ça, ce sont les attributs des croyants. وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ تَكُونَ عَلَى حَالَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا وَاجِبَةً وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرى به الذمة ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. Donc il dit, eh bien, le fait d'établir la prière, eh bien, c'est de deux sortes. L'une des deux sortes qui est obligatoire, c'est le fait, eh bien, de faire le minimum qui est demandé en obligatoire. D'accord ? Et donc de faire tout ce qui est demandé en obligatoire, faire vraiment le minimum. Et mustahabba, ce qui est recommandé, c'est le fait de la compléter, d'accord ? Et de la parfaire avec ce qui est recommandé de faire durant la prière. D'accord ? وهذه الصلوات الخمسة لازمة لكل بالغ عاقل من الرجال والنساء. Et ces cinq prières sont obligatoires pour tout homme et femme, donc qui ont atteint donc la puberté, d'accord, et qui ont une raison saine. ما دامت الروح في الجسد, tant que l'âme est dans le corps. Tant que l'âme est dans le corps, d'accord, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Ce n'est pas comme ces égarés de soufis, dont Allah Azza wa Jalla les a égarés de par leur ignorance et leur refus d'accepter le haq. Ils utilisent le dernier verset de Surat al-Hijr, la Surat 15, Surat al-Hijr. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvient. Ibn Abbas radiallahu anhu a clarifié, a mentionné que, a expliqué que la certitude, eh bien, c'est la mort. C'est-à-dire, tu adores ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. Jusqu'à la mort, tu adores Allah Azza wa Jal. Et eux, ils ont considéré la certitude, ça veut dire jusqu'à ce que tu atteins un certain niveau mystique. C'est-à-dire que lorsque eux atteignent ce niveau-là, eh bien, ils ne prient plus. Ils ne font plus de salat, ils ne font plus rien. Et ils se permettent de faire des choses interdites dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils parlent à leurs disciples, ils leur disent, c'est l'heure de la prière, levez-vous et allez prier. Et eux, ils ne vont pas prier. Parce qu'ils considèrent qu'eux ont atteint une certitude que les autres n'ont pas atteint. Donc, tout cela, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec la religion d'Allah Azzawajal, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières jusqu'à la mort, et c'est le cas de tous ses sahabas et tous les tabi'in et tous ceux qui les ont suivis à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il dit le cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, hafidhahullah, elle est obligée, ces cinq prières sont obligatoires donc pour tout homme et femme qui ont atteint la puberté, qui ont leur raison. Parce qu'on se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume a été levée sur trois types d'individus. D'accord? Sur trois types d'individus. Celui, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Et celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce que sa raison lui revienne. Donc, tant que l'âme est dans le corps et il a sa raison, il a atteint la puberté, elle est obligatoire pour tout homme et toute femme. وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَدَاؤُهَا جَمَاعَ فِي الْمَسَاجِدِ. Et il incombe aux hommes de faire la prière en groupe dans les mosquées. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Et cela est prouvé de par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme entre ses mains. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معه برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc ce qui prouve que il incombe aux hommes de faire la prière en groupe à la mosquée, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans les deux sahih. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plus lourde des salettes pour les hypocrites, c'est la prière du Isha et la prière du Fajr. S'il savait ce que ces deux prières-là, eh bien, il y avait, yani comme récompense, eh bien, il viendrait en rampant. J'étais sur le point d'ordonner qu'on commence la prière en groupe, en désignant quelqu'un pour la diriger, puis de m'en aller avec des hommes, portant des fagots de bois, afin de brûler les demeures de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Vous voyez ? Donc là, on n'a pas besoin, barakallahu fikum, de commencer avec « je suis Maliki, je suis ce que tu veux ». Le hadith, il est clair. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit « j'étais sur le point d'ordonner qu'on commence la prière en groupe, en désignant quelqu'un pour la diriger ». Puis de m'en aller avec des hommes portant des fagots de bois afin de brûler les demeures de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. D'accord ? Voilà un muslim fi sahihihi an ibn Mas'ud radiallahu anhu qal. Donc muslim dans son sahih, les mêmes muslims dans son sahih, a rapporté, donc selon ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit « Man sarrahu an yalqa Allahu ghadan musliman » فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجال يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. Donc il dit, Abdallah ibn Mas'ud, cela est rapporté donc dans le Sahih de l'imam Muslim, que Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que celui qui veut goûter au plaisir de rencontrer Allah en étant musulman, qu'il soit régulier dans l'accomplissement de ses prières lorsque l'appel est fait. Car Allah a institué les sunan de la guidée pour votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses prières font partie des sunan de la guidée. Si vous priez dans vos demeures, comme prie ce retardataire dans sa demeure, vous aurez certes délaissé la sunna de votre prophète. Et si vous délaissiez la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarerez. En outre, lorsqu'un homme se purifie d'une façon parfaite, puis se dirige vers une mosquée, Allah lui compte pour chaque pas qu'il fait une bonne action, l'élève d'un degré et lui efface un péché. Et je me rappelle encore du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où pas un seul d'entre nous ne manquait la prière en groupe, si ce n'est l'hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Il arrivait même que le malade vienne, supporté par deux autres personnes, jusqu'à se placer dans les rangs. Vous voyez, barakallahu fikum, les hadiths, ils sont clairs. Et ces hadiths que le cheikh Mohammed, que le cheikh Abdel Mohsen Abed, Havidallah, mentionne, sont toutes sahihs, authentiques. وروى ايضا في صحيحه الامام مسلم رحمه الله ايجالمون منسوني دون سون صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى دونك il y a un homme aveugle qui est venu voir l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم il demanda à l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب. Donc également dans ce hadith qui est sahih, donc rapporté par l'imam Muslim dans ce sahih, donc selon Abi Huraira radiallahu anhu, il y a un homme aveugle qui est venu voir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme qui était aveugle hein, a dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, il n'y a personne pour me guider jusqu'à la mosquée. Donc il demanda à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait lui donner une permission, une autorisation afin qu'il prie chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lui a donné cette permission-là. Puis lorsque l'homme commençait à partir, le prophète sallam l'a rappelé et lui a dit « Est-ce que tu entends l'appel à la prière ?» L'homme répondit « Oui ». L'homme il répondit « Oui ». Alors le prophète sallam répondit « Alors réponds ». Donc ça veut dire que là, le prophète sallam, même que cet homme-là était aveugle et qu'il n'avait personne qui pouvait le guider jusqu'à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, lui a donné la permission de qu'il prie chez lui, mais il l'a rappelé, il lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a répondu oui. Alors il a dit, eh bien, si tu as entendu l'appel à la prière, alors réponds. Ça veut dire, tu dois venir. Wa an ibn Umar radiallahu anhuma, كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح سأنا به الظن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما donc a dit, eh bien lorsque il y avait un homme qui manquait à la prière du Isha et à la prière du Subh, eh bien nous avons un mauvais ressenti envers lui. Nous avions un mauvais ressenti envers lui. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. Donc le hadith est authentique. ويدل لوجوب صلاة الجماعة ورود نصوص الكتاب والسنة بأدائها حال الخوف. سبحان الله. Donc et ceux qui prouvent également l'obligation de la prière en groupe, c'est ce qui a été rapporté dans les textes du livre et de la sunna, qu'elle doit être établie, la prière, même en condition de peur. Subhanallah. Même dans les conditions de peur, de crainte. قال الله عز وجل, Allah le Très-Haut a dit, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. الآية. وورد في السنة أحاديث متعددة تدل على أداء صلاة الخوف على وجوه مختلفة. Et donc, c'est ce verset-là qui prouve que même en condition de peur, eh bien, la prière en groupe est obligatoire. C'est-à-dire que vous voyez, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bataille contre les polythéistes, les associateurs, Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et lorsque tu étais parmi eux, tu établis la prière donc avec eux, qu'une partie d'entre eux donc se lève et prie avec toi. C'est, vous voyez, même en condition de peur, même en condition là de guerre, subhanallah, où est-ce que l'ennemi peut surgir, eh bien une partie prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien pour garder donc cette prière en groupe qui est obligatoire. D'accord? Et donc il termine le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah, en disant, eh bien, de nombreux ahadiths, de nombreux textes sont rapportés dans la sunna, de nombreux ahadiths donc sont rapportés prouvant donc que la prière donc doit être établie. Donc la prière de la peur doit être donc établie. Et ceci, il y a plusieurs donc textes sur cela. La prière de la peur doit être établie même en groupe, subhanallah, en groupe. Ceci pour montrer, pour prouver l'obligation de la prière en groupe. Barakallahu fikum. Donc on a terminé, inshallah, les explications donc du deuxième pilier de l'islam qui est la salate. Et donc dimanche prochain, inshallah, après salat al-asr, eh bien nous commencerons, inshallah, les explications, inshallah, dans le détail du troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Et mercredi, inshallah, après la salat du Isha, nous commencerons le deuxième fondement de Usul Sitta, parce que nous étudions le mercredi Usul Sitta de l'imam Muhammad ibn Hadi al-Matrali, les explications du Cheikh. Donc nous voyons les six fondements mercredi après Salat al-Isha, Inch'Allah. Et dimanche prochain, donc nous continuons donc les explications des 40 Nawawiyah après Salat al-Asr. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair pour votre écoute et votre patience. S'il y a des questions concernant le cours, Inch'Allah, vous pouvez les poser donc via directement mon site, où est-ce que j'ai accès, alhamdoulilah. Donc je reçois à chaque fois un email lorsque une question est posée. Vous allez dans contact, dans la rubrique contact du site. Je vous donne l'adresse du site. Donc je vous ai donné l'adresse du site. Donc au cas où qu'il y a des questions concernant les cours, je ne réponds qu'aux questions concernant les cours uniquement. Je ne réponds pas aux questions personnelles, etc. Barakallahu fikum, car je ne donne pas de fatwa, je ne suis pas un mufti, il faut aller vers les savants. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, akhi Muhammad. Salam alaykum wa rahmatullah.